mon jojo. Ah, mon caca. Ma caca. Ma zobo. Mon zuzu, vous avez entendu la nouvelle de ce week-end. Nous sommes 6 milliards 500 millions maintenant sur Terre. Jusque-là, vous me direz, on s'en fout. Sauf que là, j'ai été contacté par les Nations Unies. Figurez-vous que, oui, j'ai été désigné pour être le parrain du 6 milliards 500 millionième terrien. Ça se passait en Chine. J'ai donc été sur place pour faire connaissance avec mon filleul. Oh, quel accueil! Ils m'ont même balancé l'hymne chinois. Ah, ça pète. Salut, peuple Nyakwe! Helmut, content d'être avec vous. T'es qui, toi? Le chef de village? Le prof de Kung Fu? Un marchand de nems? Le cousin de Jackie Chan? Je suis le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, monsieur Perchu. Ah ça, les Chinois, vous êtes tous les mêmes, hein? Dès qu'on vous donne une médaille, vous vous la pétez! Laissez-moi vous présenter, monsieur Nao Dangtze, le patron de votre filleul. Ok, d'accord. Salut, Chang, ça roule? Ce monsieur s'appelle Nao Dangtze. Oui, ben, pour moi, ce sera Chang, hein? Bon, il est où le marmot? L'enfant dans la pièce d'à côté. Bon, ben, on va le voir. Nous devons d'abord faire des photos avec la presse. Vous devez aussi faire une déclaration. Oh putain, le monde. Salut, bonjour, coucou. Bon, j'y vais. Je suis particulièrement fier aujourd'hui d'être le parrain de l'enfant qui symbolise la bonne santé démographique de notre planète. Je suis également content d'apporter... Oui, un peu de réconfort occidental à ce petit être innocent qui, pour son plus grand malheur, est né au pays où on bouffe les chiens. Vous confondez avec la Corée, monsieur Perchu. Oui, c'est pareil, fais pas chier l'ambassadeur. C'est vrai que c'est folklorique de naître chez les sauvages, mais est-ce bien raisonnable? Oh là là, mon Jojo, j'ai même pas le temps de finir mon discours. Une heure plus tard, il m'avait mis dans un avion direction Orly. J'ai été expulsé comme un sans-papier. Voilà ce que c'est d'essayer d'apporter un peu de réconfort. On vous traite comme le dernier des derniers. Bon, je vous laisse. Je dois aller voir Guiraud. Il organise une partouze pour fêter sa retraite. Auf Wiedersehen.